18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. S'il y a bien un domaine, un art, dans lequel le voyage n'a pas de limite, c'est bien la musique. Et justement, nos invités d'aujourd'hui vont vous faire parcourir toute la France pour finir dans le sud. Ils ont créé en 2012 leur propre festival. Et depuis, il a bien grandi et vous réserve de sacrées expéditions. Sans plus attendre, je vais leur donner la parole parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire et je sais au combien ils sont bavards. Bonsoir à tous et bienvenue à l'équipe Family Picnic. Hello. Allez. Voilà. Salut, c'est l'autorité de bavardeur. Yes. Bavardeur. Bon, là, on a des règles en bois à côté de nous, je sais pas pourquoi. Voilà. Et là toujours, et ben en fait, on est juste des figurants. On est là juste pour regarder comment ça se passe. Voilà, tout ça. Tout est en place. Un peu dévoyeur. Pour y dire que vous êtes des fans, quoi. Si on faisait un tour de table pour se présenter. On peut faire un tour de table, tout à fait. Yeah. Tu me voles les mots. Non, mais parce que je suis comme ça, moi, je sens les trucs. Wow. Présente-toi là. Alors Awam, bonjour, je m'appelle Chris ou Tom comme vous voulez. C'est donc une double vie schizophrénique assez difficile à supporter. Un artiste quoi. On voit ça. Donc je ne prends jamais de drogue parce que c'est pas bien. Mais si, j'ai quand même cette schizophrénie assez prononcée. Compulsive d'ailleurs. Voilà. J'aime bien les flamants roses et j'aime bien la musique si on peut considérer que la musique électronique est une musique. Attendez, c'est ma mère qui m'appelle. Non, je te laisse Ludo à toi. Eh bien Tom Fuchs, bonjour. Bonjour. Moi je suis Ludovic, je suis en charge de la communication de Family Picnic. Et de pas mal d'autres choses pour la marque et puis pour nos petites fêtes qu'on fait entre nous, comme tu l'as dit, à plusieurs endroits cette année. Vous nous préparez une sacrée programmation. Régime et tout, là, s'il fait attention, si voilà. Régime du camp, objectif. Ça marche pas, ça ne marche pas. Le coach training, les séances d'abdos, tout ça. Oui, parce qu'apparemment, faut. Et on fait ensemble en fait. Vraiment, tu l'as remarqué. Voilà, le mot travail. Le binôme est très important. Oui, le cardio training aussi. Exactement, exactement. Alors, je vais m'adresser à toi, Tom. D'où t'es venu, donc question qu'on retrouve à toutes les sauces, hein. Comment t'es venu l'idée de créer un tel événement autour de la famille, mais surtout autour de la musique et du partage? En fait, ça a commencé parce qu'il y a un peu plus de 10 ans. J'ai une grosse actualité artistique en tant que producteur et DJ. J'ai eu un accident de moto un peu important qui m'a arrêté de travailler pendant à peu près 13 mois. Et donc, quand je suis sorti de là, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Le MP3 était partout et il n'y avait plus de vinyle, quasiment plus. Et donc, c'était un petit peu compliqué de sortir les épingles du jeu quand on était producteur de musique, puisqu'il y avait des milliers de personnes qui sortaient de la musique, pas tout le temps bien, mais pas tout le temps mauvaise aussi, donc c'était un peu compliqué de revenir sur le truc. Et donc, pour vouloir revenir sur le devant de la scène, j'ai appelé mon comparse Nicox, et j'ai dit voilà, il faut absolument qu'on trouve un moyen qui puisse nous servir d'outil et en même temps qui puisse représenter ce qu'on pense, notre vibration, notre essence. Notre essence, c'est voilà, moi j'ai 43 ans, j'ai deux enfants, je voulais présenter à mes enfants les artistes qui m'ont fait vibrer quand j'avais 20 ans, quoi, 22 ans, parce que je les ai eus. Et donc voilà, c'était le meilleur moyen, un mix de générations, des artistes de folie qui sont toujours là, parce que moi, si j'ai 43 ans aujourd'hui, des gars comme Carl Cox à 56, Sven, pareil, une année de moins, enfin bon, c'est les vieux de la vieille. Et mais déjà. Et tu vois, ils remplissent encore les salles et tout. Donc c'était un moyen de faire un mélange entre le mix, la musique, les générations. Ouais. Et voilà. D'accord. Et en plein air, parce que nous, on est du sud quand même. Eh ouais, on est du sud. On sent le pique-nique. Exploiter ce soleil que vous avez. D'été, tout quoi. Voilà. Les trucs agréables. Exploser son potentiel. J'ai pas dit des marques d'alcool, mais on en prend aussi. On parle pas du foot. Hein. Non, on parle pas. Ah non, pas ici, non. Au niveau de la programmation, parce que là, vous nous préparez une petite tournée, avant justement l'événement en apothéose finale. Donc vous avez déjà démarré hier avec le hasard. Vous avez prochainement une date à la Churrascaïa, au Cabaret Sauvage. À Paris, ouais. Voilà, à Paris. Et vous avez une autre, donc plus mobilisée autour du festival, le Boarding to Family Picnic, l'opening concert, et puis le dernier, le main event. C'est ça, exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler de toutes ces étapes, qu'est-ce qu'on va retrouver, pourquoi vous avez mis ça en place? On travaille aussi sur un projet qui n'est pas Family Picnic, mais à qui on donne une sérieuse empreinte Family Picnic. Même si, je le redis, c'est pas Family Picnic, c'est une fête de musique électronique qui se réalise dans les arènes de Béziers. Oui, et tout à c'est fait. Le 29 juin. Avec Greg Delon et de la famille, Wallab et compagnie. Breakbot, Déborah Deluca. Bukachet qui avait fait un super live d'ailleurs. À l'Opening Concert en dernier. À l'Opening Concert. Donc voilà. Ouais, l'événement est déjà en place. C'est les promos, il y a aussi. Il y a un mec qui travaille dessus. Mais pour te répondre sur Family, donc cette année, on a voulu faire une tournée. On l'avait déjà fait un peu il y a deux ans. Là, on le fait un petit peu avec. Oui, la board. Alors, la boarding, c'était l'an dernier que ça a commencé. Donc, ça, c'est à l'aéroport de Montpellier. C'est un gros projet. À la base, ça devait être que pour les 80 ans de l'aéroport l'an dernier. Ah, oui. Et finalement, ça s'est tellement bien passé que l'aéroport nous a proposé de le reconduire. Et là, bah, du coup, le défi de cette année, c'est de non seulement de le reconduire, mais peut-être de le pérenniser. Puisque tout le monde a l'air content d'organiser cette fête, alors qu'il y a des contraintes, comme tu peux l'imaginer, de sécurité notamment, qui sont assez fortes, puisqu'on est à 35 mètres des pistes et que l'aéroport est en fonctionnement normal. Bah, ouais, ça arrive jamais. Ils parlent pas des pistes de ski, hein, les avions. Les avions, ça sent le kérosène. Ça arrive, quoi, ça décolle pas. Voilà. En parlant de kérosène, d'ailleurs, le stock est vraiment pas très loin non plus. Donc on a des contraintes vraiment pas de feu d'artifice importantes. Et cette année, on est content de le refaire. Avec Black Coffee en tête d'affiche quand même, c'est pas rien. Ouais. Monica Cruz, Andy Mfertson, Tom, etc. Ouais, évidemment, back to back, Jack. Ils étaient l'année dernière déjà. Andy sur le festival l'été dernier avait fait un super duo là. C'est pour ça qu'on les fait revenir parce que tout le monde avait eu vraiment. C'était le set de la soirée avec Otis 82 sur la scène qui faisait aussi du très bon boulot. Donc voilà pour ça, pour l'aéroport. Mais sinon, la tournée, c'était il y a deux ans, la première fois qu'on avait fait. Ouais. On avait fait une date à Paris déjà à l'époque au Faust, et puis on avait fait la Villa Rouge à Montpellier avec Adriatique. D'accord. Cette année, donc là, on repart en tournée, on fait Lyon. Enfin, on a fait Lyon hier, comme tu l'as dit. D'ailleurs, on est un peu fatigué, c'est pour ça qu'on rippe un peu sur les mots. Avec Claude Van Strook et Justin Martin. Je viens de comprendre le truc, ça y est, ok. Et qu'on rippe, RIP. Voilà. Ouais. Tout pareil, on a tellement dansé à votre soirée que là. C'était génial, hein. Claude Van Strook, il a fait un set, mais. Exceptionnel. Avec les oiseaux. Très énergique, quand même. Comme on le connaît, Carrément groove, Jacking House, comme dommage, cette coupure d'électricité à la fin, là, c'est génial. C'est nul, c'était nul, hein. Mais c'est parce que le gros, il est arrivé au platine. C'est Jean-Michel Aulas, ça. Voilà, il était pas content qu'on parle pas de lui. C'est fou, ça. Il était pas invité et du coup, voilà, il a coupé le son. Ouais. Enfin bon, voilà. Et puis là, donc la Churrascaïa le 29 mai. Ça, la Churrascaïa, c'est vraiment la maison des Flamants Roses. Hein. C'est en pleine Camargue. Donc pour nous, c'est une évidence. C'est pas la première fois que vous faites des événements là-bas. Non, hein. C'est pas la première fois. Non, mais c'est la Camargue. On est perdu en plein milieu de nulle part. Il y a des Flamants Roses, des vrais. Il y en a, et c'est la forêt. On peut faire le bruit qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Il y a des hôtels pas loin, si jamais il y en a qui font des excès de lait ou d'autres substances liquides. Ce qui fait qu'ils sont tous. Voilà, c'est vraiment. Et puis. Voilà, le Flamant Rose, c'est notre emblème depuis plusieurs années. C'est parce que nous, on est du sud, c'est la Camargue et c'est l'emblème de la Camargue. Donc c'est l'endroit parfait. Puis la Churrascaïa, c'est l'endroit particulier parce que c'est pas fait pour faire un événement qui n'est pas original. C'est la Churrascaïa, en fait, c'est un ancien restaurant cabaret. C'est un historique. Hein. Ouais, c'est un gros historique où tous les artistes gays et autres venaient manger, avaient droit à une représentation extrêmement particulière, je dirais, complètement frivole, de l'homme, exubérante, exubérante, et voilà, c'est voilà la Churrascaïa. S'il se passe des choses là-bas, il faut que ce soit fou, sinon ça. Ce qui se passe à la Churrascaïa reste à la Churrascaïa. Ouais, surtout. Et il y a Kamel Fatt qui vient cette année. Vous c'est connaissez ça, un petit peu Kamel Fatt, bien sûr. C'est assez connu, ça va. Pas dégueu. C'est pas un gros chameau. Kamel Fatt, c'est pas un gros chameau. C'est DJ, producteur. C'est un duo. Exactement. Ils ont fait le tube Cola il y a maintenant presque deux ans, nominé au Grammy Awards. Donc, du coup, après, leur carrière a vraiment décollé. Ils faisaient de la prod avant, mais ils sont devenus les chouchous d'Eric Prydz. Ils sont devenus résidents avec le Ibiza ou à Ibiza. Ils ont fait une collab avec Christophe Brief qui a aussi énormément fonctionné. Ils viennent de remixer Calvin Harris, donc leur avantage c'est qu'ils sont crossover, donc leurs sets sont assez underground, très house, très tech house, exactement, qu'une petite touche de progressive sur les nappes, mais ils sont capables de remixer des stars de la pop, quoi. Donc c'est ça qui est assez bien. C'est chirurgien. Et là cet été ils seront encore à Ibiza en résidence. C'est la première fois qu'ils auront leur propre résidence tous les mardis. À Ibiza, donc on est très content de pouvoir les avoir. Ouais, donc, mercredi, donc 29 c'est mai, space. On les reçoit. D'accord. Le mercredi 29 mai, c'est une veille de jour férié. Exactement. Ça commence à 19h, ça finit à 6h du matin. 19h, pourquoi ? Parce qu'il y a le célèbre apéritif électronique. Interdit de louper. Sans alcool, par contre. Surtout, Sans Ricard. C'est entrée gratuite jusqu'à 23h. D'accord. Donc vous pouvez venir boire un coup. Comment ça s'appelle le mangeage ? Il y a aussi le BBQ. Ouais, apparemment. On va falloir revenir tôt, quoi. Le BBQ est gratuit et est offert. Et on offre la première criage. Voilà, ouais. Le mangeage. Voilà, le mangeage est offert. Pour le c'est pas du flamand, hein, par contre, je précise. Et plus de bouillabaisse. Donc prenez tout de suite vos billets. Hein. On est plusieurs. Ouais. Allez-y sur familypicnicfestival.com, ça va être bien. Il faut. Voilà. Il faut. Et après, on est à Paris le 12 juin. Oui. On monte à la capitale. C'est ça. Et là, on fait un gros truc cette année. C'est une production qu'on. On n'arrive pas dans un lieu qui nous accueille et tout ça. Là, on fait une production Lou, le cabaret sauvage, qui est un chapiteau où on peut mettre 1200 personnes et on fait venir pour la première fois en France Fischer. Pour la première fois, c'est sa première date en France. Non, mais c'est vraiment un événement. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Arrête de toujours te moquer comme ça. Non, mais c'est nous. Attends, je kiffe à mort. Ça lui coûte super cher et il se moque. Non, voilà, c'est sa première en France et du coup, c'est quand même un enjeu pour nous et on est très fiers d'avoir la confiance du promoteur parce que il a voulu la faire avec nous. Par contre, il nous a imposé Paris, ce qui est logique. D'accord. Et du coup, ça va être une belle fête parce que c'est en plus en mode concert. Donc on va pas se coucher tard. Okay. 21h30, 23h, Fischer. Donc on commence à 18h. On aurait très bien pu le faire ici à Vienne sur un bateau. Hein. On aurait pu. Mais bientôt, non, il n'a pas voulu. On travaille dessus. On travaille prochaine fois. Et du coup, ce sera juste Fischer ou est-ce que vous serez aussi présent? Il y aura Tom Pooks, évidemment. Et il y aura un live au début, Baume, qui est un artiste qu'on a signé sur le label en décembre. Non, en janvier même. D'accord. Qui a fait un titre que vous connaissez sûrement puisqu'il est très progressif dans l'âme. Très bodzine. D'accord. Oui, parce qu'on a un label aussi. Ouais. Exactement. Bah tiens, ça me permet justement d'enchaîner sur. Exactement, sans transition. Petit jingle, on l'a pas encore. Donc justement, cet aspect progressif que vous allez mettre en avant cette année, notamment avec les pairs Zacha, John Dewey, vous avez aussi Guy Manzour et puis Hernan Cataneo, que moi je me rappelle les compilations Renaissance depuis toujours. Alors du coup, c'est un engagement pour ça. Après, c'est vrai que quand on regarde les éditions précédentes, vous aviez toujours des petites notes de progressive. Par on exemple, Dave Seaman notamment. Ouais, voilà, c'est ça, Dave Seaman. On avait programmé John aussi. Et puis Soli, Gaiji. Gaiji, tout à fait. Cette année, on met le couvert, on met le couvert double, ça se dit. Parce que c'est ce que boucher double. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand on parlait que on disait Andy m'avait fait un gros set d'un côté, Hot Scene 82 de l'autre côté, et donc du coup on s'est dit, faut qu'on arrête de faire. C'est surtout Luciano et Carola, Luciano et Carola qui étaient quand même très similaires. En même temps. Et donc en fait, et du coup on s'est dit, faut qu'on arrête de faire voyager les gens d'une scène à une autre. Ceux qui kiffent la tech house techno, il faut qu'ils restent sur une scène, et ceux qui aiment la prog, il faut qu'ils aillent sur l'autre. Et du coup c'est pour ça qu'on s'est lancé sur déjà avec cet état d'esprit. Départ. Et puis on s'est dit, on va pas faire les choses à moitié. Si on va faire, tu vois, rester toujours borderline. Ouais. Donc on est parti vers des maestros. C'est ça, parce que quand je me rappelle de l'édition 2013 avec Max Cooper qui avait terminé après. Il peut nous embarquer dans son monde. Un peu plus, Voilà, c'est ça. Et après, il peut très bien. Il a fait aussi des prods en progressive. Et c'était vraiment le dernier volet quoi, qui terminait. Hein. Ouais, il y a toujours une évolution dans le line-up, évidemment, c'est logique. Mais là, c'est vrai que comme disait Tom, cette année, on a vraiment voulu segmenter plus les deux scènes. Pour qu'elles se ressemblent moins, parce que c'est vrai que quand t'écoutes Luciano, c'est des boucles Tech House, alors c'est très bien, mais ça tourne un peu en rond, et puis Carola, c'est un peu les mêmes, les mêmes boucles, la même atmosphère. Pardon ? C'est un peu les mêmes personnages aussi. Et du coup, cette année, on s'est dit, on va segmenter beaucoup plus, et on a fait ce parti pris de partir sur la progressive, qui n'est pourtant pas du tout, c'est pas un coup d'opportuniste là pour le coup, on peut pas nous taxer de ça. Non, non, c'est clair. En France, il n'y a pas de fête sur ces musiques-là. Ça n'a jamais été fait en plein air. Cataneo, il est venu à Paris en 2010, il a fait des petits clubs à Paris, 150-200 personnes. Donc on parle d'il y a 10 ans là, en fait. Ouais, carrément. Donc là, il revient 9 ans après, on lui donne un super slot de 3 heures, coucher de soleil. Après, il y a Sacha et Digweed, le back-to-back, ils le font qu'à Ibiza, à Miami. Là, ils le feront à Montpellier. Donc, donc voilà, on va avoir une belle attractivité aussi, je pense, pour les étrangers. Il y a déjà beaucoup de préventes qui sont vendues à l'étranger. Genre il y a même des Argentins qui viennent, quoi. Ah ouais. Des Allemands, des Argentins. Australien. Et il y a Yoris Vorn qui va être aussi sur ce plateau. Parfait. Avec Guy Manzour, avec Magdalena et Lafleur aussi, en back to back. C'est en train de prendre une envergure qui est, voilà, jusqu'à maintenant, quand on allait faire la fête, moi j'allais mixer partout en France et à l'étranger. Et quand j'étais à l'étranger, j'étais plus à l'aise parce que j'avais l'impression d'être plus dans mon élément. Parce que la France, c'est la 25e du carrière, tu vois. Bien sûr. Sauf que maintenant, ben, ce qui me fait plaisir, mon petit côté chauvin français, c'est ce qui fait plaisir, c'est que maintenant, c'est les étrangers qui viennent aussi en France pour faire la teuf sur un événement qui est deux jours. Donc qui est sorti complètement de ce qu'on a l'habitude de faire. Et deux jours et sur deux jours. Oui, exactement. C'est l'une des nouveautés aussi, c'est qu'on est sur deux jours maintenant. Exactement. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver en dehors de la musique aussi pendant le Family Picnic Seigneur. Pour le public. En dehors de Family Picnic. Des animations, toujours des jeux, des jeux. Oui, parce que c'est pas que pour les adultes. Hein, il y a aussi les enfants à partir de 6 ans, de 6 à 14 ans, c'est gratuit pour eux. Puis il y a une amélioration aussi de production au niveau du confort des festivals. Dallier, ouais. C'est-à-dire qu'on a écouté, bien sûr, chaque année, on essaye de les écouter, de faire attention, de se remettre en question. Donc, on a fait venir deux, trois trucs différents qui sont les couvertures de Dead Floor pour pouvoir procurer un peu plus de soleil parce qu'on est dans le sud, il fait chaud. Et les gens dont nous, ça va, qu'est-ce qu'il fait chaud. Ouais, ouais. Parce que les filles, c'est des habits. L'an dernier, il fait très chaud, il fait 40 degrés l'an dernier, donc on a beaucoup souffert. Donc, on va les têter quand elles se déshabillent. Mais quand il fait trop chaud, c'est difficile. Tu vois, donc on a prévu des couvertures de c'est dance ça, on peut en profiter. Ouais. Et aussi, on a prévu des tapis de sol anti-poussière. Okay. Non, sérieux, okay. Tu t'imagines? Pour faire du yoga, ça va loin. Attends, du massage. Multi-usage. Des massages. Des massages. Il y a du massage aussi. Oui. Du massage. Oui, d'ailleurs, quand tu vois qu'on a un animateur qui a un éventail, tu vois, ouais. Éventail, c'est Family Picnic. Sens du marketing. Que vous avez vu d'ailleurs hier soir au hasard. Oui, voilà, les gens ont adoré d'ailleurs, t'as vu, ils étaient tous avec leur éventail. Ils étaient en train de s'éventer même. Ils se sont éventés, oui. Excellent. Et ils ne s'épouvantaient pas. Non. Ils ont vu les ballons aussi. Bah les ballons, oui. Non, mais il y a toujours plein de choses à Family. Ouais. C'est vraiment comme une fête. C'est vraiment une fête à l'extérieur, familiale, conviviale. Puis le but, c'est qu'ils viennent avec leur pique-nique. Les gens, c'est ça. Oui. On autorise la glacière. Ils arrivent avec leur tapis de sol. Ils se posent, ils mangent sous les arbres. Voilà, on a la bio bio complètement 100% biodégradable. Française, tu vois. Quand tu la bois, elle ressort. C'est génial, quoi. C'est biodégradable. Tout est bio, même l'eau. Parfait. Non, mais on a un brasseur local pour être plus sérieux qui en plus qui arrête pas d'avoir des médailles en ce moment. Ouais, c'est décoré la meilleure bière brune en Allemagne chez les Bosch. Ouais, non, franchement. Ce sont les maestros de la bière. On est sur une démarche. On est sur une démarche de circuit court, on est sur une démarche éco-responsable, on est sur une démarche aussi pour tout ce qui est responsabilité écologique des festivaliers. Ça, c'est des sujets qui nous touchent à cœur. Il n'y a pas que la musique. Donc, flyer recyclé, confetti biodégradable. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est des feuilles de riz en fait, qui s'en vont, qui se désagrègent dès la première humidité. Les flamants roses qui les mangent après. Non, mais c'est des véhicules à électricité, c'est des petits sacs en coton, c'est des mini. Ouais, donc il y a vraiment une démarche éco-responsable engagée. On fait tout le montage à la main, il n'y a aucun poids lourd qui vient. Enfin, tu vois, on est vraiment dans une démarche. Génial. C'est non, pas, très pas pour ça, mais c'est difficile. Je vais terminer avec ma dernière question parce que c'est vrai que c'est une boucle. Hein, et ça fait partie. On est bavard. C'est ça, ça tourne. Et puis on a hâte d'entendre Tom derrière les platines. Oui. Cet aspect musique, Family Picnic aussi, vous avez ce label que vous avez mis en place. Quand on voit comment c'est né avec le morceau de Time qui a sorti, qui est sur le teaser du festival. Left a Movie. Voilà, Left a Movie aussi. Même toi, tu as fait un remix qui fait partie aussi de la vidéo. Donc, c'est une évidence d'avoir mis pour avoir un suivi. C'est pour. Comme je te disais tout à l'heure, moi, je me suis arrêté il y a 10 ans parce que j'ai arrêté ma carrière il y a 10 ans à cause d'un problème extérieur. Ouais. Donc, il y a 10 ans. Ludo était avec moi depuis 10 ans, même plus que ça. Et donc voilà, je travaillais sur une carrière en développement artistique de DJ, de producteur, où j'ai fait, je sais pas, quelque chose comme 70 ou 73 morceaux sortis sur des labels importants dans le monde. Bien donc voilà, quand ça s'est arrêté, il a fallu que je reprenne petit à petit. Donc d'abord la notoriété, le festival, et puis maintenant qu'on a tout, avec une marque et tout, autant revenir, tu vois, à nos premiers amours. Ouais. Ludo, qui est, tu l'as compris, un chirurgien de toutes ces petites choses-là. Le lieutenant, il ne faut pas lui poser des questions. C'est tout. Sinon, la réponse est longue. Et après, non, mais ça dépend, sinon, je peux être concis. et après, bon voilà, donc on s'est dit, on a avancé sur la musique. Donc faisons un label parce que on a tous les contacts. Tu vois, il y a Marc Romboy qui nous a fait un remix il n'y a pas très longtemps, très amicalement. Pleinement. Donc bon, voilà, on avance. Et puis la musique, on la connaît depuis 25 ans, on va dire. 25 ans. Donc. En fait, il y a plusieurs avantages au label. Non seulement, donc Tom Pooks relance, comme tu l'as compris, sa carrière DJ producteur. Ouais. Donc du coup, ça nous permet de sortir des morceaux rapidement. D'ailleurs, la première sortie a été repérée par Sven Vatt. Tout de suite, on était super impressionnés et flattés. Qui sera au festival. Hein. Et ouais, bien sûr, qui revient cette année. Donc, tu vois, il y a cet aspect-là. Il y a cet aspect de pouvoir sortir quand on veut des morceaux. Là, on s'est mis un objectif de sortie, un EP par mois. Après, on signe des nouveaux talents. Donc, ça, c'est bien pour nous, puisqu'ils rejoignent la famille. On les fait jouer ensuite. On crée une sorte d'effervescence. Et on soutient des jeunes talents. Donc j'ai parlé de Baume tout à l'heure à Paris. Tout à fait. Time aussi, évidemment, c'est cette même démarche. On l'a fait venir sur le festival. Mm-hmm. Ensuite, on lui a proposé de signer son morceau parce qu'il me l'avait donné pour l'After Movie. Donc ça aussi, c'est un avantage. C'est que il y a du plein aussi, l'Astral là aussi. Ouais, il y a Astral qui arrive, c'est un duo lyonnais. Oui. Et puis ça nous permet d'avoir de la matière audio pour illustrer toutes les vidéos qu'on met toute l'année. Ah, donc pour nous, en fait, il y a des avantages qui sont multiples. D'accord. Parfait. Bon, et eh bien écoutez, on a terminé. Maintenant, on va pouvoir passer à la musique. place notre cher Tom Pouce, que vous allez retrouver derrière les platines. Tu veux pas rappeler la prog légèrement pour finir? Alors on peut terminer sur les gros noms. Oui, alors même, on pourra même en reparler à la fin. On se refait un petit récapitulatif de tout ce qu'on peut retrouver. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Thank you. Comment mieux finir un petit set avec un petit son de monsieur Tom Pooks et son compère, monsieur Kitty Conti, Dirty Sunrise. L'exclu, hein. Je vous mets le petit micro. Personne l'a écouté. Ouais, c'est ça. Un super. En plus, c'est sur le label. Hein. Ouais, c'est le label. Ça, Normalement, d'ici mai ou juin. Ouais, c'est ça. Mai ou juin. D'abord, on doit faire sortir deux autres trucs là. Voilà, bah, moi, c'est dans les tuyaux. Quoi. Ok, super. Et eh bien, merci. Bien. Merci pour ce super set. On s'est régalé derrière. Ouais, moi aussi. Merci. Merci. Merci, les gars. Et avant de terminer et de passer le mot à l'agenda pour terminer, on va se faire un petit récap hein, sur la programmation. Ce qu'on retrouvera au Family Picnic qui sera le 4 août à Montpellier. Les headliners, est-ce que tu alors, veux intervenir? Carl Cox, évidemment, yes. En premier, c'est le plus gros. Enfin, pas, je veux pas être méchant, hein, mais en notoriété, je parlais évidemment. Il a maigri un peu, il a maigri. Son tout bleu, ouais. Il faut que tu maigrisses. Et donc, il a un peu maigri. Quoi. Donc, Carl Cox qui mixera 3 heures de 19h à 22h sur la scène principale. Il sera précédé de Sven Vatt qui mixera lui aussi 3 heures. Okay. Sur cette même scène, la closing sera confiée à Enrico San Giuliano qui est le bras droit de Adam Beyer sur le label DrumCon. Exactement. Et puis, on aura plein d'autres artistes sur cette scène, notamment Damien Lazarus, oui. Tom Pooks, back to back, un certain Josh Wink, oui, quand même. Qui... C'est pas rien. Ouais. Josh Wink, c'est le mentor de Tom. Et là, ils vont partager pour la première fois, ouais, en 20 ans d'amitié, ils vont partager les platines. Donc, je pense que tu vas être assez ému là, je crois. Ouais, ça va être une grosse signification pour moi parce que c'est lui qui. Vous êtes lié hein, avec Josh Wink. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, c'est lui qui m'a présenté Carl, ouais. C'est lui qui m'a présenté pas mal de monde. Donc, puis, c'est le parent de ta fille quand même. Oui, aussi. En fait, j'essaie de lancer une. Voilà, non mais non, c'est quelqu'un de très important mais pour moi et voilà. Et il a deux défauts, c'est qu'il est américain et qu'il mange pas de viande. Donc quand même, bon. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais c'est vu la vidéo. C'est ce que je dis tout le temps. Et sur l'autre scène, on a donc Sacha Digweed en back to back exclusif en France. Hernan Cattano, évidemment, ça sold out aussi en France. Vous pouvez vous en douter. Ouais. Donc ils mixeront chacun 3 heures. Avant ça, on a Magdalena back to back La Fleur. On a Joris Vorn. On a Guy Manzour. Et puis un jeune talent hollandais qui s'appelle Miss Salomé qui sera en fin de matinée, qui est pour nous l'un des nouveaux talents à suivre de très très près. C'est peut-être le prochain Joris Vorn, tout simplement. Donc, vous voyez, ouais, et puis sur l'autre scène, en nouveau talent, on a Jonas Ratzmann aussi, qui n'est pas encore super connu, mais qui est un excellent producteur. Donc, et puis, il ne faut pas oublier la troisième scène, qui sera sous les arbres, en mode un peu jungle, avec Butch et puis Adam Port, Back to Back Enemy, qui sont les deux boss du label Kind of Music, que vous connaissez certainement aussi. Ouais. Donc on a vraiment de belles choses. Et puis on a le concert la veille. On commence à 17h jusqu'à 2h. Oui. On a Agoria en live qui présentera son nouveau live. On a Mark Romboy en live. On a Johannes Preert en live. On a Matador en live. Wow. Et on a Anna. Le garage. Anna qui est la brésilienne qui conclura la soirée. Et on a aussi Sébastien en live qui est un artiste que Tom apprécie beaucoup, qui est un artiste local qui est présent de Montpellier et qui a un nouveau live qui va aussi nous présenter en exclu sur notre scène. Et je suis en train de répondre à Marc qui nous fait le bonjour. Passe le bonjour Marc Romboy qui nous passe le bonjour. Coucou Marc. Pour rebondir sur ce que vient de dire Ludo, sans mauvaise blague sur le rebondissement. Seb, c'est un vrai musicien, c'est un vrai talent, c'est un vrai artiste caché, non reconnu, qui a une sensibilité énorme et qui, ça fait des années qu'il fait des choses dans sa chambre, on va dire, dans son studio, qui est comme celui-là, là. Sauf que tu peux pas bouger tellement il y a des claviers partout, des instruments, tout. C'est quelqu'un d'extraordinaire à connaître. Et puis là, ça fait un petit moment que je veux lui donner une place et une sorte de reconnaissance et un remerciement pour la musique qu'il fait depuis toutes ces années. Et là, d'ailleurs, il y a un des morceaux de son live qui va être sorti sur Family Picnic Music. Je vous assure, c'est bluffant, quoi. Ouais. C'est très, très bon. C'est très, très bon. D'accord. Et c'est des artistes qu'on peut retrouver sur votre. Sur votre page, sur notre site internet familypicnicfestival.com, évidemment, toutes les infos. L'agenda. Alors, j'ai pas encore fait toutes les bios, ça va bientôt arriver. Là, il y aura donc chaque artiste aura sa propre page, ça c'est pas encore en ligne, mais il y a déjà toutes les infos. La billetterie, évidemment, faut réserver parce que Carl Cox c'est une vraie locomotive, donc on a une augmentation sur les préventes qui est assez fulgurante. Ouais. Donc, et puis, pensez à réserver, n'attendez pas les derniers jours. Et puis, on peut assister au concert de la veille avec le ticket du dimanche. Voilà, c'est inclus. Donc voilà. Et donc là, le prix standard en ce moment c'est 50 euros. Vous avez samedi 17h jusqu'au dimanche minuit. Et puis vous avez l'after officiel si vous êtes téméraire. Vous avez même l'entrée gratuite à l'after officiel qui suit. Donc c'est pas. Voilà, c'est vraiment. C'est pas du vol. Quel régal. C'est une belle fête quoi, sur quasiment 2 jours et demi. Et puis j'ai entendu que du coup c'est Karl Cox qui passe les platines à Svenvald, c'est ça? C'est l'inverse. L'inverse. Ouais. Ça va être pas mal ça. Hein. C'est important, ça fait. C'est un beau moment. C'est vraiment outre le fait de les avoir, d'être content, que tout le monde, tu vois, mais c'est. Voilà, on arrive à. Tu vois, Sven fêter ses 25 ans de DJing, c'est ça? Il y a plus 25, je crois. 30 ans DJing. De DJing. Ou de Vista, c'était 25. Oui, c'est 25 ans DJing. T'imagines, c'est des gens, il y a des gamins qui ont même pas 30 ans qui sont. Tu vois, qui sont là, quoi. C'est des légendes. Donc c'est deux, ouais, c'est ça. C'est deux légendes qui vont se. Ils ont une approche différente d'ailleurs, parce que Sven est toujours sur vinyle. Oui, tout à fait. Karl est oui. passé sur contrôleur, enfin sur ordinateur Tractor. Depuis quelques temps. Oui. Et mais voilà, je veux dire, c'est en termes de sélection, en termes de technique et en termes d'aura, en termes de charisme derrière la platine, c'est deux ouais. modèles. On va avoir deux monstres qui ont écrit l'histoire de la musique électronique, ouais. qui vont se relayer. Et là, j'en suis très fier et très ému parce que c'est des gens que je connais prochains. En France, c'est du jamais vu en plus. Enchaînement 16h, 22h avec ces deux-là, c'est du jamais vu. En plein air, en plus, c'est parfait. Tout à fait. Donc vous avez noté le rendez-vous, tout le monde. Pas d'excuses. Prenez vos billets tout de suite. Et puis on va remercier. Ils vont bientôt mourir les deux là. Dépêchez-vous. On sait pas ce qui va se passer avec les deux vieux là. On sait pas. En tout cas, on vous remercie pour votre déplacement jusque dans nos studios. C'était un régal. Merci pour l'invitation. C'était cool. Ouais, un plaisir. Et je vais tendre le micro à notre cher Kevin qui va nous parler de l'agenda de ce soir. Les soirées sur Lyon, les régions, quelques soirées. Ne mets pas encore le bateau dedans, on en parle après. seulement après. Qu'est-ce qu'on a de beau à faire? En tout cas, déjà, je suis obligé de dire un grand merci en tout cas pour l'équipe d'être passée. Et pour enchaîner avec du coup l'agenda, on va avoir donc ce soir une soirée qui est organisée donc par notre collectif, donc Convergence et Huma. Pour une soirée qui sera discrète, qui s'appelle Humergence. Exact. Donc avec des scène talents, locale. C'est ça, c'est des talents locaux et puis beaucoup d'artistes confirmés qui seront entre House et Tech House notamment, okay. Techno aussi pour la fin. On aura notamment Ben Sonaron du coup de Huma avec Mute en B2B. Mister Freddy qui est passé il n'y a pas longtemps, qui a une émission de radio d'ailleurs sur Block Radio aussi également. Okay. Et qui sera le main event. On aura aussi Cora M de Huma et puis Immersion Deep and Soul. Et puis donc moi-même, donc Alexandre Bas pour la Parfait. Fin. Ça sera 7€ au Discret Club, donc de minuit à 6h. Après, donc, comme vous le savez, c'est veille de jour férié, donc le lundi, donc forcément, il va y avoir des événements, comme on dirait, pas communément chétan. Et donc, on aura notamment une soirée organisée par Marzaz, donc aussi, qui fait partie de Convergence. C'est ça, dimanche, donc ça sera la maison mère. De 18h à 4h, donc préparez-vous, à mon avis, il faudra vraiment être présent. Avec donc du coup les amis aussi de Carré Bleu Records, de Destination, pardon, plutôt, aussi, enfin c'est la même chose. Avec Saint-Louis, Eugène aussi qui va passer, encore Andy la scène locale. Et ouais. Cora M. D'accord. Du coup, aussi pareil, qui passera aussi à la soirée Le Discrète de samedi avec, avec nous. Donc cette collaboration avec nous, ouais, D'accord. exactement. Parfait. Bon. Eh bien, je te remercie, Kevin, pour ce petit agenda assez court. Et on était obligé de faire court, hein, parce que, comme je voulais annoncer dès le départ, hein, l'équipe Family League était très bavard. Oui. C'est comme ça, il fallait pas nous inviter. Tu vois que c'est lui qui parle trop, moi je dis jamais rien, c'est lui qui parle tout le temps. Et voilà, si vous aviez tous un mot pour Family Picnic pour décrire, en un mot, ce serait quoi? On va vous faire participer un peu parce qu'on parle nous, mais vous. Ok. Un seul mot. Moi j'en ai un. Facile. Alors du coup, ce sera impressionnant. Ok. Après. Moi je dirais amour. Amour, ouais. Moi générosité. L'amour de la musique. Générosité, ouais. Ouais. Pas mal. Et toi? Yoz. Comment? Le son. Le son. Tu parles français anglais en fait. Tu parles le franglais en fait. Le international. Le son. Personne n'a parlé de sexe. Donc non, c'est vrai. Et pourtant, il avait un surpris que frustré. Oui, dans sa présentation, il avait un surpris de lui qui parle d'amour. Les couvertures. Vois, et ça se fait avec le sexe, l'amour, entre autres. On oublie impressionnant. Bon, bah vous serez là alors du coup. Exactement, nous on fera le déplacement. Allez, super. Parfait. Et bien, pour tous nos auditeurs, on vous remercie à nous avoir suivis. Oui, merci les auditeurs. Venez aussi vous. Exactement. On vous donne rendez-vous au Family Picnic au mois d'août, le 4. On vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et le 3, oui, tout à fait. On vous souhaite une très bonne fin de soirée, un bon week-end. Bonne et puis soirée. On vous dit à la semaine prochaine. Salut, soyez Merci prudents. Merci à tous, au revoir. Yep. Ciao. 18h, 19h, Convergence. culture et musique électro-underground.